En allemand, pour exprimer le futur, par exemple, si vous voulez dire « je l'aurai », vous devez utiliser une construction un peu semblable à « je vais l'avoir ». Le verbe porte-manteau qui exprime ce futur, c'est « werden ». Werden. Werden, ça s'écrit W-E-R-D-E-N. Werden. Et ensuite, vous faites suivre « werden » du verbe sur lequel porte l'action future. Voyons d'abord avec « je ». Comme pour « ich komme »,« ich bleibe », etc., avec « je », il vous suffit d'enlever le « n » final de l'infinitif en « en », donc avec « werden », ça donne « ich ». Ich werde. Ich werde, oui, ou werde indique le futur, et maintenant le verbe sur lequel porte l'action, je l'aurai, je vais l'avoir, donc l'avoir. Es haben. Ich werde es haben. C'est donc je vais l'avoir, je l'aurai. De la même manière, nous l'aurons se dit wir. Wir haben. Attention, là, vous venez de dire « nous avons ». « Nous l'aurons », c'est-à-dire « nous allons l'avoir », ça sera « wir... »« Wir werden es haben ».« Wir werden », oui. « Wir werden es haben ». Encore une fois ?« Wir werden es haben ». C'est ça. « Wir werden es haben ». Vous, vous que je vous vois, l'aurez. Sie werden es haben. Bien. Sie werden es haben. Et comment direz-vous quand l'aurez-vous pour moi? Wann l'aurez-vous? Allez-vous la voir? Wann werden Sie es haben? Wann werden Sie es haben? Oui, pour moi. Für mich? D'accord. Wann werden Sie es haben für mich? À l'oral, vous pouvez mettre für mich à la fin, mais normalement après wann, le second verbe reste à la fin, ce qui donne Wann werden Sie es für mich haben? Tout à fait. Wann werden Sie es für mich haben? Et je l'aurai pour vous aujourd'hui, se dira. Je l'aurai aujourd'hui. Je vais l'avoir aujourd'hui. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Bien. Redites-le. Ich werde. Il faut insister sur la première syllabe. Ich werde. Donc, je vais l'avoir aujourd'hui. Ich werde es heute. Pour vous. Für Sie. Ah, Ihnen. Non, non, pas Ihnen après für. Ihnen, c'est à vous, mais pour vous, c'est für. Für Sie. Für Sie, oui. Donc, je l'aurai, je vais l'avoir pour vous aujourd'hui. Ich werde es heute. Heute. Für Sie haben. Ich werde es heute für Sie haben. Donc, je l'aurai aujourd'hui, se dira. Ich werde es heute haben. Très bien. Ich werde es heute haben. Et je verrai cela ce soir. Ich werde es aujourd'hui soir. Heute. Heute pour aujourd'hui, oui. Et soir, c'est Abend. D'accord. Donc, ce soir, heute Abend. Et donc, je verrai cela ce soir. Ich werde es heute Abend sehen. Oui. Ich werde es heute Abend sehen.